game. Tête de mort, tu pues des yeux, tête de mort, tu pues du cul, tête de mort, tu pues de la bouche, tête de mort, tu pues du nez, tête de mort, tu pues des yeux, tête de mort, tu pues de la bouche, tête de mort, tu pues du cul, tête de mort, tu pues du nez, tête de mort, tu pues des yeux, tête de mort, tu pues du cul, tête de mort, tu pues du nez, tête de mort, tu pues tout court. Oui. Oui. Oui. Tête de mort. Tête de mort. Tête de mort. Tête de mort. Tête de mort. Tête de mort. Tête de mort, tu fais du cul. Tête de mort. Ouais, c'est trop fort. Tête de mort, tu pues des yeux, tête de mort, tu pues du cul, tête de mort, tu pues de la bouche, tête de mort, tu pues du nez, tête de mort, tu pues des yeux, tête de mort, tu pues de la bouche, tête de mort, tu pues du cul, tête de mort, tu pues du nez. Tête de mort, tu pues des yeux, tête de mort, tu pues du cul, tête de mort, tu pues de la bouche, tête de mort, tu pues du nez, tête de mort, tu pues des yeux, tête de mort, tu pues de la bouche, tête de mort, tu pues du cul, tête de mort, tu pues du nez, tête de mort, tu pues des yeux, tête de mort, tu pues du cul, tête de mort, tu pues du nez, tête de mort, tu pues tout court. Pute la bouche. Mais t'es son au coin. Te dis que tu putes la bouche. T'avais bien dit que tu putes la bouche. De mort, à l'ouest compteur. À l'ouest compteur. <comptoir. rire>